Samedi 11 janvier 2014, aujourd'hui au Grain de sable d'Attaque Québec, je m'entretiens avec Yannick Marcil en première partie d'émission. Ce sera suivi de l'éditorial du président d'Attaque Québec, Claude Vaillancourt. Par la suite, ce sera Nicole Moreau et son invité en deuxième partie d'émission. Le Grain de sable d'Attaque Québec. Bonjour à tous, c'est votre animatrice Michèle Monette qui vous souhaite la bienvenue. Le Grain de sable, c'est de la musique engagée, c'est votre magazine socio-économique. On parle de ce qui se passe ici, mais aussi d'ailleurs. Tout ceci réalisé par le collectif radio de l'Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne Attaque Québec. Cette semaine, nous poursuivons la chronique mensuelle de l'économiste Yannick Marcil, les utopies concrètes. Mais on écoute d'abord ce qui suit. Y'en a qui prennent un petit coup, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange. Je suis bien partout quand je mange. Quand je m'ennuie, moi je mange. Même dans mon lit, moi je mange. Mais y'a des jours où je suis complexé. Je me trouve pas bien, bien sexy. Quand je me regarde de profil dans le miroir, j'irai me cacher au fond d'une armoire. Oh! Y'en a qui regardent la télé, moi je mange. Y'en a qui restent toujours couchés, moi je mange. Y'en a qui courent les bingos, moi je mange. Y'en a qui rêvent au pays chaud, moi je mange. Quand je suis tanné, moi je mange. Comme un bébé, moi je mange. Quand je suis heureuse, moi je mange. Quand je suis nerveuse, moi je mange. Mais y'a des jours où je suis fatigué. Je peux plus monter l'escalier. Je peux plus aller travailler. Je vois même plus le bout de mes souliers. Ah. Moi je mange, y'en a qui plaquent tout le temps, moi je mange. Y'en a qui font l'artisanat, moi je mange. J'ai pas le temps de m'occuper de ça, moi je mange. J'ouvre mon radio, je me fais un bon snack. J'écoute Ginette Renault, puis je mange un Cracker Jack. Mais y'a des jours où j'en ai assez. Je voudrais m'arrêter de manger. Mais si je me rends à 336, le monde y verra peut-être que j'existe. Dans sa claquette, moi je mange. Y'en a qui font de la bicyclette, moi je mange. Y'en a qui courent les médecins, moi je mange. Y'en a d'autres qui font jamais rien, moi je mange. Moi j'allume mon fourneau, puis je me fais une belle tarte. Je m'en coupe un beau morceau, puis j'appelle ma tante Matt. Puis toutes les deux, on se met à manger. C'était Crampe en masse dans la chanson Moi je mange. Ça, c'est tiré de l'album Roule-toi par terre. Bonjour Yannick Marcil. Bonjour. Yannick, je me suis dit que ça serait intéressant de mettre cette chanson, Moi je mange, une chanson bien connue des Québécois, parce qu'il y a un lien avec la chronique qu'on va faire, vous et moi, cette semaine. Parce qu'on va parler de toute la question de l'industrie agroalimentaire, enfin, de ce que notre système économique, des problèmes que ça peut causer, mais aussi de solutions qui ont été trouvées. Je rappelle d'abord à nos auditeurs que vous êtes économiste, mais aussi blogueur invité. Vous êtes responsable des recensions d'essais sociopolitiques, pardon, au Huffington Post. Vous êtes chroniqueur en économie des arts au Webzine Radville. Ça, je trouve ça fort intéressant et auteur de nombreux articles et chapitres de livres. Et vous êtes aussi, vous écrivez, mais aussi dans une, je vais vous laisser le dire, tiens, vous avez aussi une nouvelle chronique qui va apparaître dans un journal de la rue, c'est ça? Oui, absolument. J'en suis très heureux et très fier. Ça sera à partir du 1er février dans le journal de rue de Montréal qui s'appelle L'Itinéraire. Donc, une chronique à toutes les deux semaines, une chronique d'humeur sur les enjeux politiques, économiques et sociaux que nous vivons. Ça va être fort intéressant et j'incite d'ailleurs les gens, si vous passez, vous voyez des gens qui vous tendent un journal, que ce soit à Québec ou à Montréal ou ailleurs au Québec, n'hésitez surtout pas à acheter ce journal. Vous aidez des gens en faisant, et vous, j'ai acheté un journal qui a un bon contenu, comme vous pouvez le constater, vous aidez les gens en même temps. Alors donc, on poursuit la chronique, peut-être rappeler rapidement dans un premier temps le but de la chronique et en venir au problème dont on parle cette semaine. Oui, mais en fait, l'idée à chaque mois d'examiner un problème économique et social majeur, c'est de voir comment, par des gestes concrets, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça les utopies concrètes, à remédier au moins en partie à ces problèmes-là. Et donc ce mois-ci, au sortir du temps des fêtes où on mange avec abondance, où justement la notion d'abondance alimentaire est importante, je pense que c'est intéressant de voir... De regarder un peu le problème d'alimentation et de l'agriculture dans le monde, qui est complexe et multiple, mais qui nous touche trois fois par jour, évidemment. Donc, c'est probablement un des problèmes qui nous touche le plus près et sur lequel on est capable d'agir le plus facilement, justement parce qu'il est très concrètement là, sur notre table, dans notre frigo et sur le rond-poil plusieurs fois par jour. Oui, et la chanson soulignait un aspect majeur de ce problème-là, qui est tout le marketing, finalement, de l'alimentation. Absolument. C'est une grosse machine, c'est une grosse industrie mondiale et locale. C'est un peu normal, encore une fois, parce que ça touche tout le monde tous les jours. Et depuis quelques années, ben, je pense que beaucoup de Québécois, de Canadiens, mais en fait, c'est vrai, dans la plupart des pays en Occident, voire partout dans le monde, ont constaté que s'alimenter était de moins en moins simple. Hein. Juste une première mise en perspective, le prix des aliments a augmenté là juste en fait de façon concomitante avec la crise financière là, en 2007-2008, de façon beaucoup, beaucoup plus rapide que l'ensemble des autres biens et services que nous consommons. Donc, autrement dit, l'inflation des aliments est beaucoup plus importante que celle de l'ensemble des biens de consommation que nous consommons. Ça, c'est la deuxième fois seulement depuis la fin de la guerre, de la Deuxième Guerre mondiale, que ça arrive. La première fois, c'était dans les années 70, dû au choc pétrolier, c'est-à-dire à l'augmentation du coût du transport de ces aliments-là. Et là, donc, c'est la deuxième fois seulement qu'on vit ça là, dans les dernières années. Ça a ralenti un petit peu cette inflation-là, mais je pense que tout le monde là qui nous entend aujourd'hui ont pu constater depuis 5 ans là, combien ça coûte de plus en plus cher s'alimenter. Donc, il y a des effets directs là sur les familles, sur chacun d'entre nous. On sait que le recours aux banques alimentaires est en forte croissance année après année. Statistique Canada a publié la semaine passée une étude mentionnant que près d'un Canadien sur 10 souffrait d'insécurité alimentaire. Autrement dit, n'était pas capable de s'alimenter adéquatement. Et là, on parle évidemment des classes les moins riches, mais on ne parle pas uniquement des très pauvres. Hein. C'est aussi les travailleurs pauvres, donc ce qu'on appelle aux États-Unis, notamment les working poor. Hein. Oui. Le Devoir a fait une série, d'ailleurs, cette semaine, quelques articles sur le sujet. Donc, il y a plusieurs problèmes là, qui nous touchent de très, très, très, très dans le quotidien. Le coût en est une partie, mais aussi tous les problèmes de malnutrition, de mauvaise nutrition, d'intolérance alimentaire, de gaspillage. On estime que 40% des produits alimentaires sont gaspillés. C'est presque la moitié. Donc, c'est un problème qui est très vaste et qui nous touche dans le quotidien. Est-ce qu'on peut en examiner un peu les causes? Ben, elles sont multiples. Je disais tout à l'heure que dans les années 70, l'essentiel de la cause de la hausse du prix des aliments était l'augmentation du prix du pétrole. Il y a eu également ça à partir du milieu des années 2000, mais ce n'est qu'un élément. Oui, qu'il y a de nouveau? Qu'il y a de nouveau? Deux éléments essentiellement, là, c'est plus complexe que ça, là, mais je caricature un petit peu. Là. À mon sens, il y a deux éléments qui sont assez nouveaux dans les années 2000. À partir, disons, de la fin des années 90, c'est d'une part la spéculation sur les marchés mondiaux. Autrement dit, on a spéculé sur les grands marchés boursiers, notamment à Chicago, sur les produits de base, produits alimentaires de base, pardon, comme le blé, le riz, etc., au même titre qu'on spécule sur l'or ou les monnaies. Alors ça, c'est compte tenu de la force de la sphère financière là, qu'on connaît depuis 10 ou 20 ans, ça a eu des impacts majeurs sur le prix des aliments. Autrement dit, c'est pas lié à des causes naturelles, à des effets deuxième, ben c'est l'expansion, c'est pas nouveau ça, là, mais c'est une espèce d'accélération de l'expansion de l'agriculture industrielle, de la monoculture, de la concentration. On le voit au Québec comme ailleurs. Là, hein, il y a de moins en moins de petites fermes qui font des polycultures, mais de grandes fermes de monoculture. C'est vrai aussi dans la transformation agroalimentaire, mais c'est vrai aussi dans la transformation. Là, c'est un effet pervers là, de nos désirs d'être écolo, l'utilisation des végétaux et des végétaux comestibles, par exemple, pour faire des agro-carburants qui font en sorte que les terres arables, les terres cultivables, se sont dégradées de façon majeure et donc on fait exploser les puits. Oui, effectivement, aux États-Unis, il y a une bonne partie des terres maintenant qui servent à faire carrément du l'équivalent du pétrole, là. Exactement, du biocarburant, notamment avec le maïs. Mais on voit ça aussi en Ontario, un peu près de chez nous. Oui. Alors, comme vous voyez, c'est un ensemble très vaste et très global, mondial de problèmes, mais qui nous touche dans nos assiettes littéralement tous les jours. Oui. Mais je me permets d'insister, il y a aussi toute cette incitation à se nourrir d'un certain type d'aliments qui peut jouer, non? Ah bien sûr, il y a tout ce qui est l'industrie des produits transformés. Bon, ça c'est encore une fois c'est pas nouveau, ça a commencé essentiellement dans les années 50. Donc les aliments les plats prêts à manger, là, pré-cuisinés, les aliments préparés de base, là, les conserves, etc. Toutes sortes de produits dérivés, de plus en plus raffinés, de plus en plus de niches. Il y a effectivement un marketing très très fort sur les aliments transformés, beaucoup plus bien sûr que sur les aliments non transformés, parce qu'il y a une marge de profit plus grande à vendre un produit transformé qu'un produit brut. Alors effectivement, le marketing à cet égard fait partie des problèmes. Oui. Venons-en aux utopies concrètes maintenant. Ben, je pense que de tous les sujets que nous traitons cette année, c'est probablement celui où on a le plus d'emprise facilement, c'est-à-dire sans trop décourager, et qui sont les plus accessibles et qui sont déjà beaucoup plus en place que dans d'autres cas. D'une part, collectivement, j'en parlerai pas longtemps, mais collectivement, on a plus de contrôle là-dessus que sur autre chose. Le gouvernement péquiste a déposé sa politique de souveraineté alimentaire à l'automne, avec laquelle envers laquelle j'ai énormément de critiques. On ne rentrera pas dans les détails, mais il y a une volonté de vouloir s'approprier le nom choisi l'indique, une souveraineté alimentaire, donc un contrôle sur notre production et notre alimentation. Donc, collectivement, on a beaucoup plus de contrôle, autrement dit, sur l'agriculture que, je sais pas moi, sur les marchés financiers mondiaux et l'évasion fiscale. Hein. C'est plus à notre portée. Maintenant, individuellement, là aussi, on a beaucoup de contrôle là-dessus. Je dirais que là, ça va paraître un peu banal, mais en même temps, c'est rassurant de voir qu'on peut faire quelque chose. D'une part, on peut transformer notre alimentation individuellement. Hein. Il y a la possibilité de transformer jour après jour notre alimentation, donc de manger, par exemple, moins de produits qui ont un impact environnemental et donc économique aussi, en bout de ligne, à plus long terme, important. Je vous donne un exemple qui est très frappant. Manger beaucoup moins de viande animale a un impact écologique immense. Le chiffre clé, là, c'est que pour produire un kilo de bœuf, ça prend 13 500 litres d'eau pour un seul kilo de bœuf. Alors que pour un kilo de soya, qui est à peu près équivalent en termes nutritionnels, ça n'en prend que 900 litres, donc 15 fois moins. Alors, juste diminuer notre consommation de viande, déjà, on a un impact là, immédiat. D'autre part, je dirais, et là, je me répète, mais ça va paraître un peu banal, mais réapprendre à cuisiner avec les produits de saison, avec les produits de base. C'est con comme ça, mais apprendre ou réapprendre à faire des conserves, à faire de l'échange de bouffe, à faire de l'agriculture urbaine, hein, c'est de plus en plus à la mode, mais j'ai convaincu, moi, dans mon entourage, nombre de gens d'avoir simplement un plant de tomates sur son balcon, là, si vous comprenez, ça coûte 8 piastres au marché. On a des tomates tout l'été. Puis même plus, on peut faire des sauces tomates pour l'hiver, avec un seul plat. Ça peut paraître banal, mais là, on a un impact immédiat, très simple et agréable en plus. Oui, il y a des cuisines collectives, d'ailleurs, qui existent pour les gens. Ben, si... vous m'enlevez les mots de la bouche, oui. ça va être mon exemple suivant. Oui. Ça aussi, c'est de plus en plus populaire, donc organisé généralement par des organismes communautaires, des cuisines collectives où on se réunit 10, 15, 20 personnes dans des cuisines bien installées de type industriel, là, et où, typiquement, là, on repart avec une centaine de portions de 8, 9 plats différents pour l'équivalent de 1 à 2 $ par portion. Tous des mets préparés avec des produits de base, donc il n'y a pas de produits pré-préparés. On a le plaisir d'apprendre ou réapprendre à cuisiner, comme je le disais, mais le faire collectivement. Hein, parce que notre vie, je le répète souvent dans ces chroniques, mais notre vie économique et notre vie matérielle, c'est aussi notre vie sociale et notre vie communautaire. Et là, on a un beau mélange de cet ensemble-là dans un geste tout simple où une fois par mois, on prend une journée de notre temps pour faire des plats à l'avance. Alors, vous voyez, c'est des trucs qui sont hyper banals. Nos grands-parents, nos grand-mères plus spécifiquement, et arrière-grand-mères, c'est découragé de m'entendre dire une banalité pareille. Mmh. Mais, compte tenu de ce que je disais précédemment, de l'état de la situation mondiale et locale, on a là un impact immédiat et important qui est probablement beaucoup plus important que de recycler ou il faut le faire, bien sûr, ou que d'autres petits gestes de nature écologiste, mais qui ont des impacts économiques, environnementaux et même communautaires importants. Oui, vous parliez de manger local tantôt. Il y a des initiatives aussi qui permettent aux gens d'acheter local des paniers, Exactement, les paniers de fermiers, les petits producteurs locaux qui vivent en ville. Là, il faut faire attention. Hein. Manger local n'est pas nécessairement... un plus environnemental. Souvent, l'impact sur l'environnement du transport est plus important. Prenez l'image simple du petit camion du fermier qui doit faire la tournée pour livrer ses paniers. Ouais. Il est probablement un impact environnemental plus sévère qu'une organisation bien rodée là, d'une distribution en grande surface. À moins qu'il ait un camion électrique. Exactement, tout à fait, effectivement. Ouais. Mais en revanche, donc, ce que je veux dire, c'est pas la panacée, c'est pas le remède miracle, mais en revanche, on tisse des liens là aussi communautaires importants. Je me permets de sans leur faire de la publicité, là, parce que c'est une entreprise commerciale, mais de mentionner, à Montréal, nous aurons la chance d'avoir les fermes Lufa, il y en a deux mais jusqu'à présent, qui ont bâti des serres sur des immenses toits industriels et qui livrent, donc qui font de la culture hydroponique sans pesticides, herbicides, machin chouette, et qui livre des paniers donc de légumes bio dans plein de points de vente. Là, on a une initiative locale, commerciale en plus, donc qui rentre dans la logique économique marchande, mais qui est vraiment de proximité. C'est à quelques kilomètres, puisque c'est en plein centre-ville, qui utilise un espace non utilisé auparavant et qui produit de façon écologique des légumes pour eux à prix tout à fait concurrentiel. Ouais. Et ça, je pense que ça va se multiplier. Il y a des initiatives communautaires, celle-là est commerciale, mais il y a des initiatives communautaires évidemment dans toutes les villes à peu près au Québec. Oui, je me permets d'ailleurs d'en souligner une belle initiative communautaire. Ça touche pas tout le monde, évidemment, ça touche une clientèle très particulière, mais c'est à l'Aube-Rivière, ils ont carrément fait un jardin sur le toit. Ce qui veut dire que pendant la saison de pousse des plantes, ben ils peuvent prendre une partie de leur alimentation à partir de ça. Oui. Ça se multiplie présentement, puis je pense que nous-mêmes, individuellement, on peut contribuer à pousser ces idées-là et à solliciter l'émergence de ce genre d'initiative, effectivement. Oui, les jardins sur les toits, les jardins dans les cours, les balcons un peu partout. Bien, Yannick, Marcille, merci beaucoup. Je pense que ça donne des idées aux gens et peut-être continuer d'y réfléchir et de trouver des façons peut-être différentes à cuisiner soi-même, encourager, aller au marché public, tiens, ici à Québec, à Sainte-Foy, à Montréal, dans les différents marchés publics, aller chercher ces fruits, légumes et autres produits-là plutôt que d'acheter des produits transformés. Voilà, et s'informer surtout sur l'impact de la nourriture que l'on mange, là, comme je le disais tout à l'heure. Ce sont des gestes dans le quotidien qui ont un impact macro très, très, très important. Est-ce qu'il existe des sources qui permettent de s'informer ou si c'est un peu... Oh mon Dieu, elle pullule effectivement sur le web, mais je vous en soumettrai quelques-unes pour mettre sur le site de l'émission. Bien, merci beaucoup, Yannick Marcille. À la prochaine. Plaisir. Au revoir. Bonne journée. Ah, c'était Yannick Mercier. On a parlé d'alimentation, on a parlé de bouffe cette semaine, mais l'alimentation, c'est quand même un élément important de notre budget, mais c'est aussi un aspect de notre vie quotidienne qui peut avoir un impact majeur sur l'environnement. Puis on voit aussi comment tout ça est lié à la spéculation financière. Effectivement, Yannick Mercier l'a souligné, de plus en plus, il y a des entreprises qui investissent dans... on en avait parlé d'ailleurs avec Dominique Bernier, des Amis de la Terre, des entreprises qui investissent de plus en plus dans l'achat de terres, dans l'achat de biens fonciers un peu partout à travers le monde. Et tant mieux si vous dites, hein, après avoir écouté cette chronique de Yannick Marcille, bon, il faudrait peut-être que je me mette à réfléchir un peu, effectivement, sur la façon dont je m'alimente. Et parlant de réflexion, on va passer maintenant à l'éditorial de Claude Vaillancourt. Cette semaine, Claude fait un rapport entre Rob Ford, le maire de Toronto, le controversé maire de Toronto, et Edward Snowden, vous savez, cet Américain qui a osé dénoncer l'abus de surveillance que faisait son pays. On écoute l'éditorial de Claude. L'année dernière, les hasards de l'actualité nous ont ramené deux figures particulièrement contrastées, Rob Ford et Edward Snowden. En principe, rien ne devrait les rapprocher, mais leur omniprésence médiatique et la fascination qu'ils ont suscité nous permettent de risquer certains rapprochements. Rob Ford a tout du parfait repoussoir. Arrogant, grossier, au physique ingrat, il a fait voler en éclats la respectabilité qui convient au poste de maire d'une grande ville. Snowden, au contraire, a des airs d'enfant sage de première classe. Il a des comportements réfléchis et un tact qui soulève l'admiration, ce qui lui a permis d'entraîner les plus fracassantes révélations. Les deux ont commis l'irréparable, le premier en prenant de mémorables cuites, en fumant du crack, mais surtout en alimentant un véritable feuilleton par ses frasques à répétition, le second en trahissant le secret auquel le liait son travail. Le rapport à la société est forcément très différent. Rob Ford, très proche des conservateurs et ami de Jim Flaherty, a appliqué dans sa ville des politiques conservatrices. Rogner dans les dépenses, privatiser, faire des pressions à la baisse sur les salaires et les conditions de travail. De tendance libertarienne, il a toutefois été empêché d'aller plus loin dans son programme en devenant son propre ennemi et en attirant toute l'attention sur sa propre personne. Edward Snowden a, quant à lui, permis de comprendre jusqu'où pouvait aller la folie de l'espionnage des autorités des États-Unis. Il a révélé une toile invraisemblable, un piège qui attrapait machiavéliquement même les plus précieux alliés. Avec un sens du devoir inespéré, en faisant le sacrifice d'une carrière profitable et sans ennui, il a préféré sonner l'alarme avec tous les risques que ça impliquait. Tous les deux n'ont pas fait ce qu'on attendait d'eux, mais leur châtiment est sans commune mesure. Rob Ford est désormais un maire sans pouvoir, mais il reste bel et bien maire, profite à plein de la tribune que ça lui donne et continue à toucher son gros salaire et se présentera à nouveau aux prochaines élections. Être sous le feu des projecteurs semble lui donner un plaisir sans fin, même si c'est pour se rendre ridicule. Edward Snowden est considéré par son propre gouvernement comme un traître et un ennemi public. Inversant une tendance historique, forçant ses compatriotes à fouler leur orgueil, il a trouvé refuge en Russie. Aucune clémence à son égard n'est envisagée, même s'il a soulevé des vagues de sympathie à travers le monde. Les deux personnages ont d'ailleurs un nombre élevé de supporters. Rob Ford à travers la Ford Nation, ses conservateurs acharnés et dogmatiques, pour lesquels rester un pur conservateur, authentique et humain, rend acceptable tous les défauts. Edward Snowden, auprès de tous les défenseurs des droits de la personne, du respect de la liberté et de la vie privée, auprès de celles et ceux qui s'inquiètent du pouvoir tentaculaire et paranoïaque de la grande puissance américaine. Le premier vit confortablement, près des siens, visiblement satisfait de lui. Le second est exilé et ne sait pas quand le ciel lui tombera sur la tête. La morale de cette histoire, dans ce monde tordu qui est le nôtre, Mieux vaut être fanfaron, alcoolique, toxicomane, mal embouché, mais bien campé à droite, que justicier et préoccupé du sort de l'humanité. Voilà, c'était la chronique de Claude Vaillancourt, le président d'Attaque Québec. Effectivement, c'est incroyable quand on examine la différence de traitement entre Rob Ford et Edward Snowden. En passant, je me permets une petite information qui est passée cette semaine et qui fait réfléchir. Au-delà de la moitié des élus du Congrès américain, ça, le Congrès américain, c'est à la fois le Sénat et la Chambre des représentants, plus de la moitié sont millionnaires. On se demande après pourquoi il y a tant de lois qui sont votées en faveur d'une diminution des impôts des plus riches. On fait une petite transition musicale et ensuite ce sera la pause publicitaire et on va passer à la deuxième partie de l'émission. À tantôt. Vous écoutez CKRL 89.1. Cultive tes goûts. Papa, on s'est démaquillé. On a mis du fort sous nos joues. On s'est éteint, déraciné. On a mis du soir sur nos joues. On s'est soumis, on a plié. On a mis le mort à nos bouches. On s'est pourri et baïonné. On a mis la mort à nos trousses. Le Chichio Café et l'opineur du chef, une symphonie de saveurs gourmandes et musicales. Un accord mets-sons incomparable pour le plaisir de vos papilles et de vos oreilles. Le Chichio Café vous présente l'opineur du chef, animé par Denis Barry, une fusion de psychédéliques, de pré- et post-Woodstock. Bien implanté dans l'espace culturel de Québec, le Chichio Café vous propose une fine cuisine italienne assaisonnée d'une musique aux notes décontractées. L'opineur du chef, les jeudis à 20h, seulement au 89.1. Cette semaine au cinéma Le Clap, voyez... American Hustle, arnaque à l'américaine. August Osage County, Les Aventuriers Voyageurs, Costa Rica. Dallas Buyers Club, 12 Years a Slave, Inside Llewyn Davis, Être Llewyn Davis, Fanny. Le Hobbit, La Désolation de Smog, Marius, Philomena, Quelques Heures de Printemps, La Reine des Neiges, The Secret Life of Walter Mitty, La Vie Secrète de Walter Mitty, Lone Survivor, Le Seul Survivant, Le Temps d'un Été, La Voleuse de Livres et Les Vacances de Monsieur Hulot. Consultez l'horaire complet sur leclap.ca. Le Clap, le cinéma d'ici, d'ailleurs et bien plus. Vous possédez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % à chaque fois que vous faites un achat chez Seb's Thé et Lounge au 67 René Lévesque Est. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Wow! La croche-oreille est enfin de retour. Tous les dimanches à 21h, Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin explorent l'univers fascinant de l'art audio. Aiguisez vos oreilles, ça va chauffer dans l'ouïe, ça va blirer dans l'ess. L'Avatar est à bord sur les routes de l'art sonore et nulle part ailleurs que sur les ondes sans frontières de CKRL. Nous sommes de retour. Vous écoutez le Grain de sable d'Attaque Québec sur les ondes de CKRL 89.1. N'oubliez pas que vous pouvez en tout temps devenir membre de CKRL et aussi faire un don en ligne en vous rendant sur notre site web www.ckrl.qc.ca. Merci de nous soutenir. Bonjour Nicole Moreau. Bonjour Michel. Nicole, cette semaine, vous allez nous dire qui vous recevez et je vais vous laisser faire l'entrevue avec votre invité. Alors, nous recevons Maude Bouchard. Bonjour, Madame Bouchard. Bonjour. Madame Bouchard, vous avez terminé récemment, je pense, un diplôme d'études supérieures spécialisé en développement économique communautaire de l'École des affaires publiques et communautaires de Concordia. Comme projet de fin d'études, vous avez réalisé une étude qui s'appelle « Le financement des programmes de la FLAC dans notre milieu, menaces ou opportunités » que vous avez déposée en avril 2013. La FLAC, c'est bien la Fondation Lucie et André Chagnon. Oui, c'est bien ça. OK. Alors, c'est celle dont on voit les pubs à la télé. Oui, entre autres, oui. Il y a plusieurs publicités là, avec des petits-enfants, avec leurs parents. OK. La FLAC finance donc des programmes dans le milieu communautaire. Parce que quand on parle de notre milieu, c'est le milieu communautaire. Est-ce que vous pouvez nous en donner des exemples? Oui, certainement. Bien, en fait, la Fondation Lucie-André Chagnon, là, la FLAC, c'est une fondation qui investit vraiment beaucoup d'argent. On parle de 50 millions et plus par année, là, 50 à 75 millions par année dans différents projets au Québec seulement. Puis elle, qu'est-ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a décidé de créer des programmes qui sont autonomes, sous des entités vraiment autonomes, des organisations communautaires, des organisations, comme un peu des entreprises autonomes. Par exemple, il y a Québec en forme qui développe plein de projets par rapport aux saines habitudes de vie pour les enfants. Il y a Avenir d'enfants au niveau du développement de la petite enfance 0-5 ans. On parle aussi de Réunir réussir, ça, c'est plus la persévérance scolaire. Il y a aussi le programme L'appui, les proches aidants. Mm-hmm. Puis ils financent aussi différents programmes. Par exemple, vous avez vu les publicités à la télévision. Il y a aussi différents programmes. Par exemple, le magazine Naître et grandir. C'est un magazine pour les parents. Puis dans le fond, la Fondation Chagnon vise par tout ça de modifier des normes sociales. La Fondation vise à modifier des normes sociales. Ouais, c'est un peu ça qu'ils disent. Ils disent qu'ils doivent prévenir la pauvreté en ciblant un peu là, la réussite des jeunes. Puis ils parlent aussi de viser la norme sociale. Donc essayer de changer nos habitudes. Donc dans le fond, je parlais des programmes. Puis c'est important de comprendre ça, c'est que c'est vraiment les programmes qui financent par l'assiette les activités. Donc on parle souvent de la fondation, mais c'est la fondation qui donne de l'argent aux différents programmes, par exemple Québec en forme. OK. Et c'est ces programmes-là qui financent après ça dans nos organisations communautaires. OK. Alors, la Fondation finance des organismes communautaires et à partir des organismes mis sur pied par la Fondation, comme Québec en forme ou d'autres. Est-ce que Pardon? Exactement. OK. Est-ce que les organismes communautaires ont accepté l'argent parce que de la FLAC? On va la nommer comme ça va être plus simple, parce qu'il y a des difficultés de financement pour les organismes communautaires. Ben, entre autres, c'est ça. C'est sûr qu'il faut aussi parler que c'est beaucoup d'argent là, que la Fondation Chagnon peut donner via ses programmes. Par exemple, pour un quartier à Montréal, là, j'ai sorti certains chiffres dans mon étude, on peut parler jusqu'à 300 000 $ par quartier. Donc, c'est vraiment beaucoup d'argent qui est remis dans les groupes communautaires. Puis, vous savez, bon, c'est ça que la plupart des groupes communautaires vivent des difficultés de financement. Ce qui est assez étrange, par contre, c'est que la Fondation Chagnon ne réussit pas à dépenser tout l'argent qu'elle a prévu. Donc, on peut voir qu'il y a différentes critiques là, de la fondation. C'est pas une fondation qui est bien ordinaire, là. Non, non, c'est une fondation qui donne de l'argent à partir des revenus de l'argent qui a été mis dans la fondation. Donc, et le gouvernement en donne aussi l'équivalent, si j'ai bien compris, ce qu'il y avait marqué dans votre étude. Oui, en effet, ben en fait, c'est sûr qu'il faut savoir que André Chagnon, pour ceux et celles qui le connaissent bien, là, c'est une personne qui a vendu Vidéotron. Puis en vendant Vidéotron, il a fondé la Fondation Chagnon en 2000, puis il a réussi à sauver, selon certains fiscalistes, de 400 à 700 millions d'impôts en faisant cette transaction-là, une transaction de 1,4 milliard de dollars. Puis par la suite, ben il a eu la brillante idée de demander au gouvernement d'investir avec lui. Donc lui, il a dit un peu, ben si moi je mets un dollar, est-ce que tu es prêt à mettre un dollar? Donc lui, il a créé avec le gouvernement des lois instituant les fonds. C'est vraiment là... voté à l'Assemblée nationale, puis on parle vraiment d'un dollar pour un dollar. Par exemple, on va revenir à Québec en forme, c'est 480 millions sur 10 ans à participation conjointe entre le gouvernement et la Fondation Chagnon. OK. Dans votre étude, vous parlez pour la Fondation là, d'une vision entrepreneuriale des problèmes sociaux. Qu'est-ce que c'est l'élément qui caractérise le plus cette vision? Je pense, par exemple, à la présence d'experts qui laissent peu de place à la vision terrain du communautaire, la reddition de comptes calquée sur le modèle du privé ou, je sais pas, quelque chose d'autre. Oui, ben il y a vraiment beaucoup d'exemples qui démontrent là que on dirait que la Fondation Chagnon comprend pas vraiment le milieu des groupes communautaires. C'est d'ailleurs ce que j'ai vu dans mon étude. Les gens ils me confiaient beaucoup des problèmes là qui vivaient. Je pourrais donner un exemple au niveau de la reddition de comptes. C'est sûr que pour plusieurs personnes, ils savent que la reddition de comptes, quand on reçoit du financement, c'est jamais bien évident. Mais avec la Fondation Chagnon, beaucoup comparaient, par exemple, avec Centraide ou avec d'autres groupements, puis ils disaient que c'était encore pire. Donc, ils vont demander vraiment des questions qui n'ont aucun sens, des questions très, très, très pointues. Les milieux communautaires me disaient, quand je les ai rencontrés, me disaient, j'ai l'impression qu'on agit avec moi comme si j'étais Vidéotron, alors que moi, je travaille avec des familles, puis je développe des programmes communautaires. Donc, j'ai pas l'intention là de me faire demander des questions très, très précises comme ça. Aussi, vraiment, tout au niveau des experts, vous parliez, là, c'est vraiment quelque chose de très pointu. Ils vont demander obligatoirement des nutritionnistes qui vont évaluer les programmes, des personnes en développement, pour le développement moteur et tout ça, alors que les milieux communautaires savent très bien qu'est-ce qu'ils ont besoin, là, sans nécessairement avoir l'avis d'une surabondance d'experts. Et malgré tout, malgré l'utilisation d'experts qui doivent payer à des prix relativement élevés, là, si je présume, ils n'y arrivent pas à dépenser l'argent. En fait, c'est, par exemple, on parle de 480 millions sur 10 ans pour Québec en forme. Donc, c'est que eux, ils séparent l'argent selon toutes les différentes régions du Québec. Puis, il reste encore de l'argent. Ça veut dire que pour des regroupements communautaires qui veulent se faire financer, c'est possible dans toutes les régions du Québec. Alors que pourtant, on sait très bien que presque tous les organismes communautaires sont pleins d'événements bénéfices, puis essaient de chercher de l'argent. Donc, ça démontre à quelque part que il y a des réticences à recevoir le financement de la Fondation Chagnon parce que sinon tout le monde irait le chercher. Absolument, mais quand je reviens à votre étude et je vois qu'un des impacts majeurs de l'action de la FLAC, ça me paraît être qu'on limite le problème de la pauvreté à un problème individuel, en négligeant l'importance du système politique et économique. Est-ce que j'ai bien compris votre propos? Oui, très bien. C'est sûr que je pourrais donner un exemple. Donc, on parle vraiment d'approche très individuelle. Je parlais tantôt que la FLAC veut changer les normes sociales. Dans le fond, elle veut les changer en rendant responsables un peu les familles. Par exemple, un enfant qui a un problème d'obésité, la façon que la FLAC va voir le problème, c'est que c'est un problème personnel. Donc, on va, dans les écrits, on va lire, par exemple, que c'est la faute des parents. Les parents, ils nourrissent pas bien leurs enfants, ils mangent pas assez bien, ils font pas assez d'activité physique. On n'y pose ce fait-là nécessairement. Mais ce qui est inquiétant, c'est que Par exemple, ils vont pas parler des problèmes de la pauvreté, les problèmes des gens à faible revenu. Quand on a un chèque d'aide sociale, on a beau se faire dire de manger biologique, de manger des fruits et des légumes chaque jour, c'est difficile. Donc, dans le fond, c'est vraiment une approche individuelle qui oublie de nous mettre un peu dans ce qu'on est actuellement, une société basée sur les inégalités sociales. Okay. Un autre exemple, les crédits d'impôt, par exemple, qu'on peut avoir pour les activités sportives. Mm-hmm. Ça profite juste aux personnes qui travaillent, donc c'est des crédits d'impôt qui sont pas nécessairement aux familles les plus pauvres. Et c'est vraiment toute une approche qui individualise. Donc, en plus de tout ça, ça culpabilise les familles. Donc, c'est vraiment... Exactement. Puis ça oublie tout, comme vous avez dit, le système politique derrière ça, qu'est-ce qu'on vit dans notre société. Donc, quand on repense aux publicités sur les livres et les enfants, il y a tout un problème. Ça a l'air évident de faire que les enfants soient mis en face des livres, mais si les parents ont pas l'habitude de ça, ben comment on peut faire pour habituer les enfants à lire et à aimer lire? Alors, c'est la responsabilisation des parents puis la culpabilisation des parents, si je comprends bien. Est-ce que j'exagère? Ben ça peut être vu dans différentes façons. Donc, il y a des gens qui vont dire, ben non, mais quand on voit ça, ça donne le goût aux parents et tout ça. Non, tu sais, quand on regarde la publicité, par exemple, c'est vraiment une publicité très belle. Oui, c'est très, très mignon. Voilà. Mais on oublie des fois les problèmes, là, le stress, la vie au quotidien et tout ça, qui n'est pas toujours dans des positions aussi faciles. Je sais pas si je m'exprime bien. Non, je l'ai exprimé très bien. Mais tout ça fait que effectivement les pratiques de la FLAC, qui sont comme, qui apparaissent en tout cas comme une forme de partenariat public-privé-social, est-ce que, donc, on peut penser que ça va plus loin que d'influencer les politiques sociales? Est-ce qu'ils participent aux décisions pour ce qui est des orientations et des pratiques d'intervention? Oui, bien, c'est sûr que dès qu'on parle d'une loi instituant les fonds, on parle tout de suite automatiquement d'un partenariat public-privé. Au niveau des décisions, des politiques, c'est sûr que les organisations comme Québec en forme, c'est une organisation autonome, mais le CA est géré à moitié avec des personnes du gouvernement, puis l'autre moitié avec des personnes de la Fondation. C'est sûr qu'au niveau des politiques sociales, on parle surtout de la Fondation qui forge vraiment une notoriété. Donc, ça lui donne du pouvoir sur nos politiques sociales, ça c'est sûr, à court, moyen et à très long terme, bien entendu. J'ai entendu parler d'une campagne de non aux PPP sociaux dans le cadre de la réaction aux pratiques de la FLAC. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, certainement. En fait, c'est une campagne qui suite à un colloque qu'il y avait eu en 2013 sur le sujet des PPP sociaux. Et en fait, eux, ce qu'ils visent, c'est essayer de s'engager à ne pas conclure d'autres ententes avec le gouvernement. Donc, de demander au gouvernement, que le gouvernement ne conclue plus d'entente avec la Fondation Chagnon, parce que c'est les ententes qu'ils ont conclues, c'est 10 ans. Donc, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont essayer d'aller chercher divers appuis dans les milieux communautaires. Ils vont essayer aussi de vulgariser les enjeux et possiblement un plan d'action avec différentes mobilisations. Puis, principalement, c'est ce qu'ils demandent. Donc, de demander au gouvernement de ne pas renouveler les ententes, de mener un débat public aussi sur tout ça. Puis, de demander aussi de réinvestir toutes les sommes que le gouvernement a données à Chagnon, c'est exactement ça, et de les réinvestir dans les milieux de base qui existent déjà. Donc, pourquoi aussi dédoubler qu'est-ce qui existe déjà? OK. Alors, est-ce que, si on se résume un peu, les impacts des PPP sociaux comme ceux de la FLAC sur l'action communautaire, ça comme remet en question probablement la liberté d'action du mouvement communautaire qui sont eux, les gens qui travaillent dans les organismes communautaires, les véritables, entre guillemets, spécialistes du terrain pour savoir c'est quoi les besoins. Exactement. Je vous ai bien compris? Oui, certainement. certainement. Puis c'est en fait ce que mon étude essaie de d'expliquer, en fait, que malheureusement, les actions de la FAC, puis on n'a pas le temps de s'en parler en ce moment, mais toutes les actions qui sont faites donnent des impacts au niveau de l'action communautaire autonome. On parle aussi, par exemple, je pourrais vous donner un petit exemple. La FLAC donne une agente de développement oui. qui est dans le milieu. Ça peut paraître bien comme ça, mais l'agente de développement est présente vraiment dans toutes les rencontres, à l'Assemblée générale, au conseil d'administration. De chaque organisme communautaire qui participe aux actions de la FLAC? Oui, c'est ça. Ils s'invitent, en fait, dans les conseils d'administration et tout ça. Donc, c'est vraiment quelque chose... Oui, c'est ça, c'est inquiétant à long terme, mais ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Par exemple, l'agente de développement va demander, ils vont dire, par exemple, « Ah, ben au Saguenay, il s'est passé quelque chose de vraiment intéressant par rapport à l'activité physique. Vous, à Montréal, ça vous tente-tu de le faire? Ou vous, à Québec, ou quelque chose comme ça? » Donc, c'est un peu inquiétant aussi au niveau de l'uniformisation du territoire. Tout ça, ça limite un peu. Pourtant, on sait très bien ce qui passe dans nos milieux communautaires, puis on sait ce que nos parents ont besoin, entre autres. Donc, il y a vraiment plein d'exemples qui démontrent que ça limite notre autonomie. Ça, c'est ça. OK. Donc, ce que vous nous décrivez là-dedans, puis dans la campagne de non aux PPP sociaux, c'est comme quelque chose qui ressemble à une organisation pyramidale, dans le sens de pyramide et non pas dans le sens de vente pyramidale, là, où il y aurait une autorité en haut. Qui est la Fondation Chagnon, qui donne ses directives via les organismes qu'elle met sur pied. Oui, c'est sûr, on peut parler, il y a plusieurs mots qu'on pourrait utiliser pour ça, mais c'est sûr qu'on peut vraiment parler d'une organisation qui laisse peu de place là aux décisions des groupes communautaires, ceux qui pourtant font les projets. Ça doit être avoir un impact en dernier, là. On va finir par ça. Ça doit avoir un impact épouvantable sur le moral des gens qui travaillent dans le communautaire. Oui, oui, le moral, aussi les actions, les activités, ça va créer plusieurs conflits. Aussi au niveau de la transformation sociale, vraiment, tu sais, on a l'impression qu'on tourne en rond dans les milieux communautaires. Donc ça, c'est sûr, c'est ce que les gens m'ont confié, là, entre autres. Mais il y a vraiment plein d'autres problèmes. Puis ben, j'aimerais, en tout cas, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller regarder mon étude, justement, ou même il y a différents textes ou choses qui ont été faites sur la Fondation Chagnon, parce que c'est important de bien comprendre les différents enjeux. Bien, je pense que l'étude va être mise, le lien va être mis sur la page Facebook de l'émission. Parfait. Alors, si vous êtes d'accord, bien sûr. Oui, oui, certainement. C'est une étude qui circule, qui est importante de lire, ou enfin lire d'autres études ou d'autres... d'autres commentaires, de s'intéresser un peu, puis c'est ce que je dis aussi aux gens, c'est pas nécessairement de dire qu'il faut pas être financé du tout par la Fondation Chagnon, loin de là, mais de connaître les enjeux, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. Et que le rôle de la Fondation soit revu de façon à ce que tout le monde soit gagnant. Merci infiniment, Madame Bouchard, c'était quelque chose d'important. Que vous nous avez dit. Merci à vous de vous intéresser au sujet. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup, Nicole. C'était fort intéressant, cet entretien avec Madame Bouchard. Et maintenant, je me tourne vers un nouveau collaborateur de l'émission, Michael Lessard. Bonjour, Michael. Oui. Bonjour. Bon. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. Je joue un peu avec les micros, là, mais ça va. OK. Michael, nos auditeurs, nos fidèles auditeurs vous connaissent parce que la semaine passée, on a eu un entretien, vous et moi, sur le réseau du Forum social Québec-Chaudière-Appalaches. Et désormais, vous allez faire avec nous la chronique à surveiller cette semaine. Donc, je vous laisse nous présenter les événements qui sont à surveiller plus particulièrement cette semaine dans la région et peut-être même ailleurs, qui sait. Oui. Ben, j'en ai sélectionné 7 cette semaine. Donc, c'est juste quelques-uns, hein, parce qu'on sait que, ben, je ne sais pas si les gens le savent, mais à Québec, il y a facilement une centaine d'événements de solidarité locale, internationale, environnement, sujets d'intérêt sociaux en général. Là. Il y en a facilement une centaine par mois qu'on voit à peu près pas publié du tout. Les médias de masse. En janvier, bon, il n'y en a pas des tonnes actuellement, parce que la plupart des groupes reviennent de vacances, puis ils n'ont pas encore tout annoncé leurs activités. Donc, pour l'instant, j'ai sélectionné 7. vous pouvez d'ailleurs voir l'ensemble de l'œuvre sur réseauforum.org. Oui, on va mettre le lien aussi sur notre blog. Okay. Puis, je trouve ça important de mentionner que le média Réseau Forum mentionne aussi les autres médias. Hein. L'important, c'est d'informer les gens. Oui. Puis, il y en a plusieurs autres. Mais bon, je vais accélérer, là, il y en a 7. Donc, pour commencer, il y a un activité qui s'appelle « Buen Vivir » et la charte de la compassion. Donc, « Buen Vivir », c'est un concept plus du sud, alors que la charte de la compassion est un concept plus du nord, à tendance chrétienne. Donc, en gros, ça lie au CAPMO. CAPMO, c'est un groupe d'éducation populaire. Donc, ça commence par une présentation, mais c'est essentiellement une discussion par après. Okay. Donc, ça, c'est le jeudi 16 janvier. « Buen Vivir », ça veut dire quoi? Bien vivre, dans le fond. Okay. Oui. C'est le bien vivre. Oui, c'est beaucoup lié au vivre ensemble, la démocratie, etc. Donc, jeudi 16 janvier, 18h30, au 435 rue du Roi. Il y a d'ailleurs un souper communautaire gratuit à 17h30, une heure avant. Sauve ta bouffe. Ça, c'est une présentation d'Estelle Richard, des Amis de la Terre de Québec, qui va essentiellement nous parler de qu'est-ce qu'on peut faire face au gaspillage alimentaire au sens large. Ça tombe bien avec la chronique d'aujourd'hui avec Yannick Marcel. Oui. Effectivement, on parlait de ces problèmes, entre autres de gaspillage alimentaire. Oui. Donc ça, c'est ce dimanche 19 janvier à 11h à l'Expo Cité. Et oui, à l'Expo Cité, c'est rare qu'on voit les Amis de la Terre qui sont là, mais il y a plusieurs activités dans le cadre de la semaine de l'agriculture, de l'alimentation et de la consommation. Ensuite, il y a l'alimentation saine, qui est organisée entre autres par le groupe Crack Bitume, qui est situé à Limoilou. Donc ça, c'est mardi 21 janvier, 18h30, au 798 12e rue à Limoilou. Le même jour, on a les Autochtones et le Québec. Ça risque d'être intéressant. On a la présidente des Femmes autochtones du Québec, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, qui vont parler de plusieurs sujets, mais allant de la crise d'Oka à Idle No More aujourd'hui. Et c'est l'occasion aussi de lancer un livre qui porte le même titre, Les Autochtones et le Québec. Le sous-titre parle, j'ai pas noté le sous-titre, mais ça, je crois que c'est un clin d'œil au plan Nord. Enfin, donc ça c'est mardi 21 janvier, 19h30, au hall du Musée de la Civilisation. Parce que, comme on le sait peut-être, le Musée de la Civilisation a une exposition permanente sur les Premières Nations, aussi oui, sur le Québec. Oui, c'est vrai, oui. Donc, c'est à visiter aussi. On a Bâtir au bon endroit, un événement du groupe Vivre en ville. C'est à la fois un lancement de livre du même titre, Bâtir au bon endroit, et aussi une table ronde. On va parler d'aménagement cohérent dans une ville, d'enjeux municipaux. On pourrait dire d'urbanisme, là, mais au sens bien-être humain et citoyen. Là. Jeudi 23 janvier, 17h, ça c'est au Centre Culture et Environnement Frédéric Bach, c'est-à-dire le 870 avenue Salaberry. Mm-hmm. Et deux petits derniers, il y a un dîner-causerie avec Ramsey Hart de Mine Alerte. Donc Mine Alerte, en fait, c'est qu'avec Développement et Paix et plusieurs organismes au Canada, là, oui. Ils souhaitent mettre en place un ombudsman fédéral qui essentiellement surveillerait les compagnies minières canadiennes, pas juste minières, mais en particulier, là, c'est-à-dire de s'assurer d'intervenir quand les compagnies dites canadiennes violent des droits ou abusent des gens. Là. Oui, je me permets de dire en passant qu'il est possible qu'on ait une entrevue avec, avec lui et qu'il serait diffusé quelque part au mois de février. OK. À surveiller. Donc, avec donc le dîner causerie Ramsey Hart, vous devinez que c'était midi, mardi 28 janvier. Ça, c'est au service diocésain, c'est-à-dire le 1073 boulevard René Lévesque. Et en terminant, on a Minière au nord et au sud, mêmes enjeux. Oui. Le titre dit tout, je crois, mais on va avoir Christian Simard de la Coalition pour que le Québec ait meilleure mine, Ramsey Hart, justement, de Mine Alerte. Ça devrait être très intéressant. Ils vont tenter de nommer justement des exemples réels de qu'est-ce que les gens subissent face à des compagnies minières canadiennes, il faut le rappeler. Oui. Donc, mercredi 29 janvier à 19h au Tam Tam Café. Le Tam Tam Café, pour les gens qui ne savent pas c'est où, c'est le 421 Boulevard Langelier, à intersection... À peu près au coin Charest, c'est ouais, ça? Oui, c'est ça. Donc, en conclusion, je vais peut-être aussi rappeler que le Forum social des peuples qui s'en vient, ouais, en août. Et donc, si les gens veulent voir l'ensemble des événements, ils peuvent aller sur réseauforum.org. Est-ce que les gens peuvent s'impliquer dans un organisme qui réfléchit sur des choses qui vont être faites au Forum social des peuples? Est-ce que c'est possible, encore possible? À Québec? Oui. Pour l'instant, j'en connais pas. OK. Qu'est-ce qui se met en place? C'est plus un comité qu'on appellerait de mobilisation. OK, pour donc, informer les gens, oui, peut-être organiser un transport collectif. Oui. Ouais. C'est plus oui, ça qui s'organise actuellement. Bon. Hmm. Puis, ça, j'encourage les gens à aller voir le réseauforum.org. Juste mentionner aussi qu'il y a probablement une vingtaine d'événements qui vont être publiés bientôt, dès que les groupes vont commencer à les annoncer. Oui. Puis, en plus, il y a d'autres médias qu'ils peuvent consulter. Hein. Je ne sais pas si les gens connaissent monlimoilou.com, montsaintroch.com. Oui, oui, c'est vrai. Oui. Pour les activités plus de divertissement, il y a Quoi faire à Québec aussi. Exactement. Oui. Il y a toutes sortes de façons comme ça de s'informer sur ce qui se passe à Québec. Bien, merci beaucoup, Michael. On se reparle la semaine prochaine. Au revoir. À bientôt. Donc, c'est maintenant le moment de la fin de l'émission Le grain de sable d'Attaque Québec. Merci à Yannick Marcil pour sa chronique des utopies concrètes et à Claude Bayancourt pour son éditorial. Fort intéressant son éditorial, ce rapprochement entre inusité entre le maire Rob Ford et Edward Snowden. Effectivement, on se demande pour comment ça se fait que un, à part évidemment que de ne plus pouvoir agir comme maire, à peu près aucune sanction, tandis que l'autre est constamment traqué par les Américains. Merci à Nicole Moreau et à son invité Maud Bouchard. Merci à Michael Lessard pour à surveiller, tout ce qui est à surveiller cette semaine et même ce mois-ci dans la région de Québec. Je vous rappelle que les enregistrements de l'émission sont disponibles sur le site de CKRL 89.1. Vous cherchez dans la programmation le nom de notre émission, Le grain de sable d'Attaque Québec. Et de là, vous aurez accès à la page où sont archivés les derniers enregistrements. Les enregistrements sont aussi disponibles sur le site d'Attaque Québec, www.quebec.attaque.org, où vous trouverez tous les détails de nos diverses campagnes et aussi sur la façon de devenir membre d'Attaque Québec. Enfin, vous pouvez retrouver les enregistrements sur notre blog, et oui, nous avons un blog, où vous trouverez aussi divers liens Internet de ce dont nous vous avons parlé aujourd'hui. Nous avons une page Facebook, cherchez-y le grain de sable sur CKRL, ainsi qu'un compte Twitter, @graindesableQC. Réagissez-y, ça nous fera grandement plaisir de vous lire. Nous avons mis un lien pour vous y rendre sur notre blog. Attention d'ailleurs à l'adresse de notre blog a changé, c'est graindesableqc.wordpress.com, la nouvelle adresse. Grain de sable en un seul mot, qc.wordpress.com. Attaque Québec veut dire Association québécoise pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Écrivez-nous vos commentaires, suggestions, opinions à l'adresse courriel suivante. Je n'ai pas l'adresse suivante. Rendez-vous sur notre blog pour nous écrire. On se retrouve samedi prochain à compter de 13h pour une nouvelle émission du Grain de sable d'Attaque Québec. C'est l'émission Les Cheeks contre-attaque qui suit. La semaine prochaine.